J'avais fait un jour un rêve très doux, vivre toujours près de vous. Le destin bien brutalement s'est brisé notre roman. Adieu, mon plus joli rêve. Adieu, il me faut partir. S'acharner contre nous. Lorsqu'on croit tenir le bonheur, il s'enfuit comme un voleur. Adieu, mon plus joli rêve. Adieu, il me faut partir. Manque, et ça vaut toujours.